On va poursuivre notre tournée de la Ligue senior régionale, la Ligue du lac au fleuve, qui va débuter ses activités très très bientôt, le 13 octobre. Et la semaine passée, on a parlé avec Gino Gagnon. Là, maintenant, on va parler avec celui qui est en charge de l'équipe de Sacré-Cœur. C'est Stéphane Godreau, un gars natif de Dolbeau-Mistassini. On lui parle. Salut Stéphane! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Stéphane, natif de Dolbeau-Mistassini? Oui, natif de Dolbeau-Mistassini. Ma famille y habite encore. D'ailleurs, mon grand-père, qui a 104 ans, Thomas Louis, habite toujours là, habite toujours à Dolbeau. Mes oncles, mes tantes, Dolbeau-Mistassini, Saint-Eugène, plus précisément aussi. C'est tout mon coin de pays. 104 ans? Est-ce qu'il est en forme? Oui, ben là, il y a eu quelques petits problèmes dernièrement. Là, OK. Il est hospitalisé, mais tout allait bien là, jusqu'aux dernières semaines. Là, il est quand même rendu à 104 ans. Hey, 104 ans, c'est un arbre très, très vénère. C'est vraiment... Très lucide. Très lucide, c'est bravo. Hey, Stéphane, t'es le grand responsable du hockey à Sacré-Cœur. D'abord, comment ça va là-bas? Ça va très bien. Puis, juste une petite parenthèse, c'est plus Haute-Côte-Nord. OK. On veut faire une équipe régionale. Moi, j'habite Sacré-Cœur, bien entendu. Je travaille pour la ville-là. Mais bien entendu, notre équipe, c'est Haute-Côte-Nord parce qu'on veut créer un sentiment d'appartenance à notre région. Sacré-Cœur, c'est quand même un village de 1700 personnes, qui est pas beaucoup pour une équipe senior. Mais c'est pour ça qu'on joue deux matchs à Sacré-Cœur, deux matchs aux Escoumins, qui a 2000 personnes, puis le reste des matchs, on va jouer à Forestville, où c'est la plus grande, mieux acclimatée aussi pour le hockey senior. Moi, je connais Forestville, donc un petit peu. Je suis allé une fois ou deux. C'est sûr qu'on on passe pas à Forestville, on y va tout simplement. Puis j'ai une maison qui est déjà restée là, donc j'ai déjà été une fois ou deux à là-bas. Mais est-ce que c'est vraiment là que vous allez jouer vos matchs? Parce que c'est là qu'il y a le plus de monde, je pense, hein? Oui, c'est là qu'il y a le plus de monde. Le bassin de population est là, puis c'est plus centralisé aussi, regarde. Escoumins-Forestville, ça prend 30 minutes. Après ça, t'as Baie-Comeau-Forestville, ça prend à peu près un heure. T'as Pessamit, qui est une grosse réserve amérindienne aussi à côté, qui est à 20 minutes de Forestville. Nous, Sacré-Cœur, c'est à une heure. Et ça serait quand même bien. Quand on parle en région comme nous, quand on dit un heure, c'est comme si on serait collé. On parle pas de distance là, dans notre coin. Mais tu joues ça va jouer dans trois domiciles. As-tu peur pour ton crown, parce que ça se bat, il me semble que ça se bâtit pas. On bâtit pas un crown en jouant dans trois places, un sentiment d'appartenance, non? Ben moi je pense qu'en appelant hockey Haute-Côte-Nord, okay. On dit deux matchs aux Escoumins. Moi, le but, c'était de redonner vie aux arénas. Redonner du gros hockey dans les arénas. Puis, l'ayant vécu par expérience, quand j'étais avec Forestville dans le temps de l'autre ligue senior à M. Maltais, puis on voyait beaucoup, tu sais, dans la foule, il y avait peut-être 90-100 personnes de Sacré-Cœur qui étaient là, même chose des Escoumins. Puis, ce que je veux faire, c'est que le calibre va tellement être fort, tellement être bon, que le monde de Forestville n'hésiteront pas à descendre parce que c'est un match par fin de semaine, c'est pas beaucoup là. Ça veut dire deux matchs par mois local. Fait que Forestville, là, ils vont triper, ils vont aimer le calibre de jeu. Fait que peu importe si la game est à Sacré-Cœur ou la game aux Escoumins, si ces gens-là vont descendre, on va fouler ces arénas-là plus possible, puis on va faire revivre les arénas de nos petites localités. La réponse, ça dit quoi, là? À date, c'est super. Le monde nous pose des questions, puis on a des gens de c'est sûr que ça prend plus de gens locaux possibles. Je veux dire, ça nous prend plus des joueurs de Sacré-Cœur. En ayant un ou deux joueurs de Sacré-Cœur, ben on s'assure de plusieurs personnes, même chose pour les Escoumins, même chose pour Forestville. Mais la majeure partie de nos joueurs vont provenir de Baie-Comeau, là. Baie-Comeau, même cette île, là. Mais la foule à date, là, ça pose des questions, puis ça a hâte que ça starte. Les joueurs, t'as-tu de la misère à trouver des joueurs jusqu'à date? J'ai aucune misère à me trouver des joueurs à date. Les gens nous contactent. C'est sûr et certain. On a passé des annonces comme de quoi qu'on ferait un camp d'entraînement au mois de septembre. Les gens nous contactent. Les gars ont hâte de venir. Puis il y a des joueurs de haut calibre également qu'on a dans notre coin. Je pense qu'on va être capable d'avoir une équipe là, vraiment compétitive sur la patinoire le 13 octobre que ça commence. OK. Donc, du côté des commanditaires maintenant, est-ce que ça va? Oui, ça va super. Okay. Ça va super. Nous, on a vendu des plantes commandites. On a un bon partenaire qui est Excavation à Savard. C'est pour ça qu'on s'appelle Excavation à Savard de Haute-Côte-Nord, qui est un bon partenaire. Ah, maintenant, on a déjà trouvé. On a plusieurs commanditaires. Oui. C'est les gens, comme je te dis, les gens, l'engouement pour le hockey senior là, est vraiment fort. Les gens nous appellent. Les gens nous appellent pour nous offrir, comme exemple, la semaine dernière, j'ai reçu un téléphone d'un orthodontiste du coin qui dit « Gars, Steph, il dit, on a entendu parler de votre projet de hockey, puis ça. » Il dit « Les commotions cérébrales aussi dans ce qu'il y a de jeu-là, ça va frapper, puis ça. » Fait qu'elle dit « Je vous offre gratuitement, comme commandite, elle dit « Je vous offre gratuitement des protecteurs buccales professionnels pour chacun de tes joueurs. Okay. » Un autre qui me propose, moi, je te propose en commandite, « Gars, je vais venir avec mon aiguiseur à patins. » une compagnie d'affûtage, et je vais venir aiguiser les patins de chacun des joueurs avant chaque match. Mais tu sais, c'est toutes des plein de commandites comme ça qui arrivent de tout bas, de tout côté, qui est très apprécié. Mais on a également, là, on a vendu des morceaux de chandail, des parties de chandail qu'on met des pubs sur nos chandails. C'est un peu comme en Europe, on a vendu nos chandails, là, c'est style européen. Mais c'est qui est important, c'est moins beau, mais c'est payant. C'est ça qui est important. OK, ben c'est sûr que c'est ça qui est payant. Du côté du transport, comment que ça va fonctionner, nous autres? Nous autres, le transport, là, c'est on va avoir des compagnies, là, des 15 passagers, des choses comme ça. On est en négociation là, avec des partenaires là, pour être capable d'emmener nos joueurs à bon port, genre un transport qui part de Bécomo puis qui nous descend ça. Peu importe l'endroit, là, on va être capable de s'organiser des choses comme ça. Peut-être une couple de voyages en autobus, on est en discussion avec certaines compagnies aussi. Il n'y a rien de soulé dans le béton, mais ça devrait se régler sous peu là, assez rapidement. Là. OK. Ton entraîneur, as-tu trouvé? Oui, nos entraîneurs, c'est trouvé. Notre entraîneur-chef, qui est Philippe Gauthier, un gars qui a coaché dans le temps, qui a coaché à Charlevoix, qui a coaché à Forestville à l'époque aussi dans la Ligue senior. Un gars qui connaît la Ligue senior en masse. Comme entraîneur adjoint, c'est Patrice Vachon, un policier amérindien qui travaille à ICIPIT présentement. Lui ici, c'est un gars qui a connu le calibre senior aussi, puis qui a beaucoup de contacts côté réserve autochtone dans notre coin. Avec les deux boys en place, ça va faire un excellent travail. OK. Si on y allait maintenant du côté de... Donc, le camp d'entraînement va commencer à quel moment? Nous autres, le camp d'entraînement, c'est cédulé le 23 septembre. Ouf, OK. Parce qu'on n'a pas de glace, on a pas de glace avant, à moins d'aller jouer à Bécomo, mais là, Bécomo avec le Dracar, c'est un peu plus compliqué, tout ça. Donc, on n'a pas de glace, mais aussi la chasse qui commence. Chez nous, la chasse, là, on voit plus un gars dans le village. Là, non, chasse, c'est sûr, c'est sa même affaire que c'est une religion, là. Fait que le 23 septembre, on a un camp d'entraînement, là, déjà, une trentaine de joueurs, là, d'inscrits, qui ont manifesté qu'elle allait être présent au camp. Ça va aller vite, là. C'est le 23, match intra-équipe, une journée d'entraînement. Après ça, le 29, on affronte Charlevoix. Le 6, Charlevoix vient de nous affronter. Après ça, la saison commence. C'est vraiment short, là, comme coup. Comme OK. Dis-moi, comment tu t'attends de jouer en tout et partout au camp? En tout et partout au camp, j'ai envoyé 95 invitations jusqu'à maintenant. OK. Des invitations que j'ai envoyées personnellement aux gens. J'ai envoyé des invitations au public. Donc, à date, là, comme je te dis, j'ai une trentaine de gars d'inscrits. Avec la chasse, c'est ça qui me surprend. Je m'attendais peut-être à avoir 20 joueurs, 25 joueurs. Bien entendu, les joueurs, là, c'est surtout des jeunesses qui veulent venir prouver. C'est ça ce qu'on a indiqué, là. Les joueurs qui veulent venir prouver vraiment ça, pour les plus vieux, les gars assurés de faire l'équipe, là, ça va être surtout les gars hors concours, là, qui vont s'en remettre en game shape. Mais on s'attend, là, peut-être à une quarantaine de joueurs, là, à glace à Forestville, le 23 pour le Canada. Quarantaine de joueurs, c'est fort. Hein. Bon, fait que, puis il va y avoir des bagarres, j'imagine. Il va y avoir des bagarreurs, là, parce que, regarde, on se retrouve pas d'histoire, le monde aime ça, là. Regarde, ça me fait rire un peu quand le monde dit pas de bagarre. Le monde sur le bout quand il y a une bagarre. Tu t'attends-tu d'avoir des bagarreurs? Ben, j'ai sans avoir de gars précisément pour ça, parce que je veux pas, les membres de l'organisation, on est tous d'accord, on veut pas donner un chandail à quelqu'un qui va avoir le désir de se rendre, qui va se tenir après la bande pour se rendre aux joueurs, puis qui, tu sais, il y en a des joueurs comme ça dans toutes les ligues seniors, puis ça, on veut pas en avoir, nous autres. autres, on va avoir des gars qui vont être capables de jouer régulier, ça 3 ou ça 4. Puis si ça arrive, ben, les gars vont dropper, puis les comptes vont se régler. On a déjà des couples de joueurs. On aura 2-3 joueurs comme ça qui ont confirmé, genre François Bouchard, après ça, un petit Kevin Charest, des kids avec un bon potentiel là, de pogner n'importe qui dans la ligue. Puis c'est des gars qui sont capables de patiner, puis capables de jouer des chiffres réguliers, puis ça va être ça le but. Si c'est pour arriver, ça va arriver, mais si on ne court pas après ça. OK. Ben Stéphane, c'est vraiment trippant de voir que vous êtes très avancé. Fait que on va se tenir peut-être au courant durant l'année de ce qui se passe à quelqu'un. De toute évidence, il y a un très gros engouement dans la Côte-Nord pour votre équipe. Bon, merci. Puis tu peux nous appeler quand tu veux. Il n'y a aucun problème. Stéphane Godreau, qui est en charge de l'équipe de l'équipe de Sacré-Cœur dans la Ligue du Lac-aux-Fleuves.